mémoire est bonne. J'ai commencé très tôt, plein de choses polissonnes. Mes jours étaient plus beaux. Si ma mémoire est bonne, je suis tombé de haut. Oui, je croyais en l'homme, puis j'ai courbé le dos. J'ai navigué au flair à travers les tuyaux. J'ai vite manqué d'air, j'ai vite manqué d'eau. Si ma mémoire est bonne, mais elle est remplie d'eau, de parfums qui résonnent, qui me collent à la peau. Si ma mémoire est bonne, mais je sais qu'elles sont faux. Elle en a trié des tonnes pour le garder que beau. Elle a laissé derrière, caché sous des fagots, des larmes de misère et des pieds dans le caniveau. Et qu'à pas se prendre la tête et faire comme si tout était chouette. Pourquoi se compliquer la vie? Elle est si courte, alors fais gaffe mon ami. Y'a qu'à pas se prendre la tête et faire comme si tout était chouette. Pourquoi se compliquer la vie? Elle est si courte, alors fais gaffe mon ami. Je t'abandonne, mais ma mémoire est folle et elle en fait des tonnes. Il faudrait pour que je la recolle, un miracle, un coup de bol. Tu voulais passer ta vie tout contre ton chéri, mais c'est toi qui es parti. J'ai vraiment rien compris. Si ma mémoire est bonne, j'aime l'odeur de ta peau. Tu m'affoles comme personne, tu me rends le cœur chaud. J'ai pas beaucoup d'espoir, te garder sur mon bateau. Je te mange du regard, comme un gosse son gâteau. Tu embellis mes heures, t'es belle comme un joyau. Les vins qui nous séparent, je les jette au cachot. Pourquoi se compliquer la vie? Elle est si courte, alors